Chapitre 7. Séjour à Vienne. J'arrivai heureusement à Vienne le 6 de juin, 2 heures avant le départ d'un courrier que M. le comte de Stackelberg, ambassadeur de Russie, envoyait à Vilna, où était alors l'empereur Alexandre. M. de Stackelberg, qui se conduisit envers moi avec cette noble délicatesse, l'un des traits les plus éminents de son caractère, écrivit par ce courrier pour demander mon passeport et m'assura que sous 3 semaines je pouvais avoir la réponse. Il s'agissait de passer ces 3 semaines quelque part. Mes amis autrichiens qui m'avaient accueilli de la manière la plus aimable m'assurèrent que je pouvais rester à Vienne sans crainte. La cour alors était à Dresde, à la grande réunion de tous les princes allemands rassemblés pour offrir leurs hommages à l'empereur de France. Napoléon s'était arrêté à Dresde sous le prétexte de négocier encore de là pour éviter la guerre avec la Russie, c'est-à-dire pour obtenir par sa politique le même résultat que par ses armes. Il ne voulait pas, d'abord, admettre le roi de Prusse à son banquet de Dresde. Il savait trop combien le cœur de ce malheureux monarque répugne à ce qu'il se croit obligé de faire. Monsieur de Metternich obtint, dit-on, pour lui, cette humiliante faveur. Monsieur de Hardenberg, qui l'accompagnait, fit observer à l'empereur Napoléon que la Prusse avait payé 1/3 de plus que les contributions promises. L'empereur lui répondit, en lui tournant le dos, « Comte d'apothicaire !» car il a un plaisir secret à se servir d'expressions vulgaires pour mieux humilier ceux qui en sont l'objet. Il mit assez de coquetterie dans sa manière d'être avec l'empereur et l'impératrice d'Autriche, parce qu'il lui importait que le gouvernement autrichien prît une part active à sa guerre avec la Russie. « Vous voyez bien, dit-il, à ce qu'on assure, à M. de Metternich, que je ne puis jamais avoir le moindre intérêt à diminuer la puissance de l'Autriche, telle qu'elle existe maintenant, car d'abord, il me convient que mon beau-père soit un prince très considéré. D'ailleurs, je me fie plus aux anciennes dynasties qu'aux nouvelles. Le général Bernadotte n'a-t-il pas pris le parti de faire la paix avec l'Angleterre ? » Et en effet, le prince royal de Suède, comme on le verra par la suite, s'était courageusement déclaré pour les intérêts du pays qu'il gouvernait. L'empereur de France ayant quitté Dresde pour passer en revue ses armées, l'impératrice alla s'établir pendant quelque temps à Prague avec sa famille. Napoléon, en partant, régla lui-même l'étiquette qui devait exister entre le père et la fille, et l'on doit penser qu'elle n'était pas facile, puisqu'il aime presque autant l'étiquette par défiance que par vanité, c'est-à-dire comme un moyen d'isoler tous les individus entre eux, sous prétexte de marquer leur rang. Les 10 premiers jours que je passai à Vienne ne furent troublés par aucun nuage, et j'étais ravi de me trouver ainsi au milieu d'une société qui me plaisait et dont la manière de penser répondait à la mienne. Car l'opinion n'était point favorable à l'alliance avec Napoléon, et le gouvernement l'avait conclue sans être appuyé par l'assentiment national. En effet, une guerre dont l'objet ostensible était le rétablissement de la Pologne pouvait-elle être faite par la puissance qui avait contribué au partage de la Pologne, et ne retenait encore en ses mains, avec plus de persistance que jamais, le tiers de cette Pologne. 30 000 hommes étaient envoyés par le gouvernement autrichien pour rétablir la confédération de Pologne à Varsovie, et presque autant d'espions s'attachaient au pas des Polonais de Galicie, qui voulaient avoir des députés à cette confédération. Il fallait donc que le gouvernement autrichien parlât contre les Polonais en soutenant leur cause, et qu'il ait dit à ses sujets de Galicie « Je vous défends d'être de l'avis que je soutiens. » Quelle métaphysique ! On la trouverait bien embrouillée si la peur n'expliquait pas tout. Parmi les nations que Bonaparte traîne après lui, la seule qui mérite de l'intérêt, ce sont les Polonais. Je crois qu'ils savent aussi bien que nous qu'ils ne sont que le prétexte de la guerre, et que l'empereur ne se soucie pas de leur indépendance. Il n'a pu s'abstenir d'exprimer plusieurs fois à l'empereur Alexandre son dédain pour la Pologne, par cela seulement qu'elle veut être libre. Mais il lui convient de la mettre en avant contre la Russie, et les Polonais profitent de cette circonstance pour se rétablir comme nation. Je ne sais s'ils y réussiront, car le despotisme donne difficilement la liberté, et ce qu'ils regagneront dans leur cause particulière, ils le perdront dans la cause de l'Europe. Ils seront polonais, mais polonais aussi esclaves que les trois nations dont ils ne dépendront plus. Quoi qu'il en soit, les Polonais sont les seuls Européens qui puissent servir sans honte sous les drapeaux de Bonaparte. Les princes de la Confédération du Rhin croient y trouver leur intérêt en perdant leur honneur. Mais l'Autriche, par une combinaison vraiment remarquable, y sacrifie tout à la fois son honneur et son intérêt. L'empereur Napoléon voulait obtenir de l'archiduc Charles de commander ses 30 000 hommes. Mais l'archiduc s'est heureusement refusé à cet affront, et quand je le vis se promener seul, en habit gris, dans les allées du Prater, je retrouvai pour lui tout mon ancien respect. Ce même employé, qui avait si indignement conseillé de livrer les Tyroliens, était à Vienne, en l'absence de M. de Metternich, chargé de la police des étrangers, et il s'en acquittait, comme on va voir. Pendant les premiers jours, il me laissa tranquille. J'avais déjà passé un hiver à Vienne, très bien accueilli par l'empereur, l'impératrice et toute la cour. Il était donc difficile de me dire que cette fois on ne voulait pas me recevoir, parce que j'étais en disgrâce auprès de l'empereur Napoléon, surtout lorsque cette disgrâce était en partie causée par les éloges que j'avais donnés dans mon livre à la morale et au génie littéraire des Allemands. Mais ce qui était encore plus difficile, c'était de se risquer à déplaire en rien à une puissance à laquelle il faut convenir qu'ils pouvaient bien me sacrifier après tout ce qu'ils avaient déjà fait pour elle. Je crois donc qu'après que j'eus passé quelques jours à Vienne, il arriva au chef de la police quelques renseignements plus précis sur ma situation à l'égard de Bonaparte, et qu'il se crut obligé de me surveiller. Or, voici sa manière de surveiller. Il établit à ma porte, dans la rue, des espions qui me suivaient à pied quand ma voiture allait doucement et qui prenaient des cabriolets pour ne pas me perdre de vue dans mes courses à la campagne. Cette manière de faire la police me paraissait réunir tout à la fois le machiavélisme français à la lourdeur allemande. Les Autrichiens se sont persuadés qu'ils ont été battus faute d'avoir autant d'esprit que les Français et que l'esprit des Français consiste dans leurs moyens de police. En conséquence, ils se sont mis à faire de l'espionnage avec méthode, à organiser ostensiblement ce qui tout au moins doit être caché, et, destinés par la nature à être honnêtes gens, ils se sont fait une espèce de devoir d'imiter un état jacobin et despotique tout ensemble. Je devais m'inquiéter cependant de cet espionnage, quand il suffisait du moindre sens commun pour voir que je n'avais d'autre but que de fuir. On m'alarma sur l'arrivée de mon passeport russe. On prétendit qu'on me le ferait attendre plusieurs mois et qu'alors la guerre m'empêcherait de passer. Il m'était aisé de juger que je ne pourrais pas rester à Vienne du moment que l'ambassadeur de France serait de retour. Que deviendrais-je alors? Je suppliai M. de Stackelberg de me donner une manière de passer par Odessa pour me rendre à Constantinople. Mais Odessa étant russe, il fallait également un passeport de Pétersbourg pour y arriver. Il ne restait donc d'ouvert que la route directe de Turquie par la Hongrie, et cette route, passant sur les confins de la Serbie, était sujette à 1000 dangers. On pouvait encore gagner le port de Salonique à travers l'intérieur de la Grèce. L'archiduc François avait suivi ce chemin pour se rendre en Sardaigne. Mais l'archiduc François monte très bien à cheval, et c'est ce dont je n'étais guère capable. Encore moins pouvais-je me résoudre à exposer une aussi jeune fille que la mienne à un tel voyage. Il fallait donc, quoi qu'il m'en coûtât, me résoudre à me séparer d'elle pour l'envoyer par le Danemark et la Suède, accompagnée de personnes sûres. Je conclus, à tout hasard, un accord avec un Arménien, pour qu'il me conduisît à Constantinople. Je me proposais de passer de là par la Grèce, la Sicile, Cadix et Lisbonne. Et, quelque chanceux que fût ce voyage, il offrait à l'imagination une grande perspective. Je fis demander au bureau des affaires étrangères, dirigé par un subalterne en l'absence de M. de Metternich, un passeport qui me permit de sortir d'Autriche par la Hongrie ou par la Galicie, suivant que j'irais à Pétersbourg ou à Constantinople. On me fit répondre qu'il fallait me décider. qu'on ne pouvait pas me donner un passeport pour sortir par deux frontières différentes, et que même pour aller à Presbourg, qui est la première ville de Hongrie, à 6 lieues de Vienne, il fallait une autorisation du comité des États. Certes, on ne pouvait s'empêcher de le penser. L'Europe, jadis si facilement ouverte à tous les voyageurs, est devenue, sous l'influence de l'empereur Napoléon, comme un grand filet qui vous enlace à chaque pas. Que de gênes, que d'entraves pour les moindres mouvements. Et conçoit-on que les malheureux gouvernements que la France opprime s'en consolent en faisant peser de 1000 manières sur leurs sujets le misérable reste de pouvoir qu'on leur a laissé ?